بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 17e leçon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din amma ba'd. أولاً الأسئلة يقول: من الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحسن ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك؟ قال الأقرع إن لي عشرة من الأولاد ما قصدت منهم أحد. نعم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لا يرحم لا يرحم. نعم. ماذا أيضا؟ قبل هذا قبل هذا الفعل من حيث البناء ينقسم إلى كم قسم؟ تعقوا أصول حتى قصوا شوفوا من دولتها الفعل إيش؟ ينقسم إلى كم قسم؟ اسمين من حيث البناء. أيوة. ما هما؟ الثلاثي والرباعي. نعم. وكل واحد منهما ينقسم إلى كم؟ إلى الثلاثي ينقسم إلى ستة. لا قبل هذا إلى اثنين مجرد وما زيد فيه. أيوة. ما هو المجرد؟ هو ما كان كل حرفه أصلية. نعم. المزيد فيه؟ وما بعض حرفه زايد على الأصل. حرفه أكثر. حرفه أكثر. طيب. ما هو كم بابا للثلاثي المجرد؟ ستة. تفضل. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل. لا هذا مو يسير. نعم. فعل. نعم. يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. طيب. وما هو الوزن الذي أخذناه من الثلاثي المزيد؟ فعل. فعل. ما هو المضارع؟ يفعل. الأمر؟ فاعل. المصدر؟ تفعيل. طيب. وكيف تسوغ؟ كيف يعني تكون اسم فاعلي؟ يعني بكل ما ليس به ثلاثي مجرد. هذه قاعدة عامة. كل ما ليس به ثلاثي مجرد. اسم فاعل لواز فاعل. لا هذه كل ما ليس بثلاثي مجرد. كيف نكون الفاعل الاسم فاعل؟ كيف تفعل؟ نزيد الالف بعد الفاء. انا هو لواز فاعل. لا كيف؟ كيف الوصف فاعل على الثلاثي المجرد؟ نريد الذي ليس بثلاثي. كل ما ليس بثلاثي مجرد كيف يكون اسم فاعل؟ tous les verbes sont par trois lettres neutres. Comment on fait pour avoir اسم فاعل؟ ايوه ناخذ المضارع ونبدل الياء بالعرف المضارع بميم المضمون. نعم. واسم مفعول؟ اسم مفعول ناخذ اسم فاعل ونبدل الكسر على العين بالفتح. واسم مكان واسم زمان. تأخذوا اسم مفعول. طيب تمارين كم اليوم؟ هذي نسيت. أظن على كل نهار. اثنا عشر. كيف اثنا عشر؟ اثنا عشر التمارين. في الصفحة 140. أيوة أكيد يبدو في جملة. يبدو. ليس هنا. يبدو بمعنى. إذا سبسي سوى يبدو. لا معنى ظهر. بس معنى. C'est quoi en français ? Apparaître. Apparaître. Yabdou anna al-muslimouna yajtahidouna. Anna al-muslimina. Anna al-muslimina yajtahidouna fi hadhihi al-ayyam. Tayyib. On trouve dans le 17. ويتعرض بالفعل الرباعي على وزن أفعل. طيب نستقرأ المدرس، أنت تقرأ الطلبة. كل واحد لأن المدرس دائما بين اثنين أفضل، تمام؟ لكن نذكر اسمه قبل تقرأ. المدرس يقول كيف أصبحتم يا إخوان؟ Comment allez-vous ce matin ou les frères؟ On أصبح يعني définit une action au temps du matin d'origine. لكن نسيب معاني أخرى. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. نسيب معاني أخرى أيضا. هذا من الفعل من أخوات كان. أخوات كان. تفضل طلبة إيش يقولون؟ الطلبة يقولون أصبحنا بخير والحمد لله، وكيف أصبحت أنت يا أستاذ؟ الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا سمعت نحن نعلم بيا لرجاء الله. Comment vas-tu ce matin, toi, au professeur? Koul bikhayr, ou ahmadou wa shkourou. Atfi al-anwar ya Idris, fala hajata ilayha al-an. Aati warakat al-abiyab ya Yaqub. Donc il dit, je vais bien, et je le loue, et je le remercie, c'est-à-dire Allah. Éteins les lumières au Idris, car on n'a pas besoin d'elles maintenant. Yani amminna, atfi min atfa'a, qui est la أعطيني ورقة العياب يا يعقوب. دو مولي في دابسونس أو يعقوب. ولا في دابسونس أو يعقوب. ها يا ذي لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شديد. يجي لا فوالا ها كما نادي لا سي ان تنبيه مي تنبيه كي سي ان تنبيه كي تنبيه مليون اسم شعر ها تنبيه هي اسم شعر تنبيه وذي اسم شعر. عثمان n'est pas venu aujourd'hui car il est atteint d'une dure diarrhée ou colique. Le mudarris يقول شفاه الله ثم بعتزل اسم الغائبين اعطيا المراقبه فانه يريدها الان لامر ما ان يكن مكتبه معلقا فستجده في مكتب المشرف على النشاط الثقافي الثقافي يفن. Donc il dit qu'à l'Algiris, ensuite après avoir écrit inscrit les noms des absents, il dit « A'tiha al-muraqim » Donne-la au surveillant, car il la veut maintenant pour quelque chose. Là, « Amrin ma » ça revient dans le verset, c'est-à-dire quoi « Amen » Et si tu vois que son bureau est fermé, alors tu le trouveras dans le bureau du dirigeant des activités culturelles. La هكذا النشاط في اكتيفيتي ثقافي في كلتشر يخرج يعقوب وبعد عيد هنيها يفتح الباب شاب ويقف لديه دونك يعقوب صار يقف un court instant un jeune ouvre la porte et se présente devant lui ou s'arrête devant lui tient debout devant lui quoi. Hunayha, c'est un petit instant, un court instant. Prul, oui, je lis. Alors, après. الشاب يقول بعد التحيات لا تسمح لي بالدخول يا فضيلة الشيخ. Donc après avoir fait la salutation, il dit, est-ce que tu permets d'entrer ou Shir Moudalès dit, Badrad Tahiya, après avoir rendu les salutations, bienvenue. Akhon, Ahlan wa Sahlan. Badrad Tahiya, Ahlan wa Sahlan. Marhaban. Utrulu alik al-bam. Yabdou anaka talibun jadid. Masmuka, ou min aina anta. Donc après avoir rendu les salutations, il dit, bienvenue. Entre et ferme la porte. Il apparaît que tu es un nouvel élève. Quel est ton nom et d'où es-tu? الشاب اسمي محمد ابن ويليام وانا من كندا. Je m'appelle Mohamed fils de William et je suis du Canada. Mudarris يقول احاديث واحد بالاسلام انت. Est-ce que tu es nouveau en islam? نعم. Mudarris يقول الحمد لله الذي هدانا للاسلام متى اسلمت يا اخي الكريم. Donc il dit la louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Quand es-tu converti? Ô mon frère, mon noble frère. Il dit, je me suis converti, je suis rentré en islam en 1981. Aslama, c'est pas forcément se convertir, mais en fait, c'est soumettre, rentrer en islam. Donc tu veux pas dire Shakh Aslama lil din Nasara. Aslama c'est force pour l'islam. C'est pas vraiment conversion, mais non, façon de dire conversion à l'islam. Ah ouais, non, tu peux dire ça. Aslama Abawak, est-ce que tes parents sont convertis ou sont enfants d'islam? Lamma Yuslim Abi Hadahu Allah. Amma Umi fa Aslamat wa alhamdulillah. Il dit, mon père ne s'est pas encore converti, qu'Allah le guide. Et quant à ma mère, elle s'est convertie et la longe d'arbre. Mazayamel Abouk, que fait ton père? Quel est ton travail en fait? Wamudir Muthafin. Ha'a Khatab al-Mudir. Il dit, il est directeur de musée. Tiens, prends yani la parole du directeur. Khitab à la base, c'est, c'est comme une feuille sur laquelle il y a un mot du directeur pour le Mudarris. En fait. Donc, il y a quand même Khitab. In al-Mudir, ufni alayka kathira. Donc, après avoir lu le mot qui contient le message du directeur pour le professeur, il dit, certes, le directeur fait grandement ton éloge, ou beaucoup ton éloge. Ahmed. Jazakallahu khayra. Jazakallahu. جزاه الله خيرا. من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيديك؟ D'où te viens-tu ce beau مصحف qui est dans tes mains؟ مصحف c'est le livre qui contient قرآن الله. أعطانيه المدير. C'est le directeur qui me l'a donné. دارس يقول والله لقد سررت كثيرا بلقائك وإني معجب بك كيف وجدت الجامعة الإسلامية. Il dit, Wallah, je suis très heureux de te par ta rencontre. Et je suis étonné de toi. Comment as-tu trouvé la Jamia Islamia? Ajabatni Kassiran. Innaha Jamiatun Faridatun Yadurusu Fiha Abna'u al-Muslimin Min Mashariq al-Ardi wa Magharibiha. Et comment bien accompagné? يكتب المدرس آيتين على السبورة. Donc il dit, elle m'a beaucoup plu. Arjabatni Kathiran, elle m'a beaucoup plu. Elle est certes une université unique dans laquelle étudient les enfants des musulmans de l'Occident et d'Orient. Entre parenthèses, le professeur écrit deux versets sur le tableau. Yaqul, Iqra al-ayatayn ya Harun. Lis les deux versets au Harun. بعد الاستعاذة والتصفرة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Donc après avoir fait l'esti'adha et la basmala, il dit dans le sens qu'il est rapproché qu'ils veulent, c'est-à-dire les koufars, éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah refuse cela si ce n'est que sa lumière soit complétée, parachevée. Même si il y a une n'en déplaise aux mécréants, même si les mécréants détestent cela, bon, nous on dira n'en déplaise aux mécréants. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion véridique, afin de le faire apparaître sur toutes les religions. Même l'en déplace de Mouchiriboun, ou polythéiste, ou associateur comme il dit. Dans les circoules. Faktiru fi hatayn al-ayatayn, fuma ajibu an al-asilat al-muwajjaha. Ilaykum. Maza yuridu al-kuffaru ya Idris. Donc il dit, réfléchissez sur ces deux versets. Faktiru falkara, c'est réfléchir. Ensuite répondez aux questions qui vous sont dirigées. Que veulent les kuffar au Idris? Ils veulent l'extinction de la lumière d'Allah. Itfa, c'est le mazar de Akfa'a qui vient. Ayumkinu hadha ya Ali, est-ce que cela est possible, ou Ali? La, la hadha mustahil. Il dit non, cela est impossible. Le lem là, c'est lem l'ibtida, ça vient en verset. وماذا يريد الله يا يونس؟ كيف الله أو يونس؟ يريد إتمام نوره. Il veut compléter sa lumière. المدرس. هل تذكر آية أخرى في هذا المعنى يا شعيب؟ Quel est notre verset dans ce sens, au Shu'aib? نعم. قال تعالى في سورة الصف: والله متم نوره ولو كره الكافرون. Il dit Allah complétera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. L'on déplace les mécréants. Yaqul, Bima arsala Allahu rasulahu ya Muhammad. Par quoi, ou avec quoi plutôt, envoyer Allah son messager au Muhammad. Arsalahu bil huda wa din al haq. Il dit l'envoyer par la guidée et la religion de vérité. Ishaq qui rentre. Oui, c'est cool. الآن تأتي وقد أوشك الدرس أن ينتهي. C'est maintenant que tu arrives alors que le ders était sur le point de se finir. Ou alors que le ders est sur le point de se finir. معذرة يا أستاذ. ذهبت إلى مكتب البريد لإرسال برقية. لقد وصل آخر البارحة. فأرسلت برقية إلى أبي. أخبره فيها بسلامتي ووصوله. نعم. Il dit une excuse au professeur. J'ai été au bureau à la poste pour envoyer un télégramme. Car mon frère est arrivé hier soir. Donc j'ai envoyé un télégramme à mon père pour l'informer de la, yani, de la bonne arrivée. C'est de son frère, quoi, qui est bien arrivé. Donc laisse la baisse. Pas de mal. Elle est sur le point de revenir. Autrul. Je dis cela. Très bien. Il a dit dans l'asilat al-Atiya. L'imam n'a pas été Othman. Pourquoi Othman n'est pas venu? Thalien. Mata aslama Muhammad. Quand est-ce que Muhammad s'est-il converti à l'islam? Thalithan. L'imam ta akhara Ishaq. Pourquoi Ishaq est en retard? فعلنا هذا الدرس ما زال في علم الصرف كالدرس السابق في أوزان الأفعال. يقول من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب أفعل زيدت في أوله الحمزة. Donc parmi les catégories de verbes thulathi mazid, nous avons le verbe af'ala, sur la mesure af'ala, auquel on a ajouté au début, au son début, un hamza. Af'ala. Et on a mis un sukun sur le fa'. يقول تأمل المثالين لباب أفعل ثم حتى المضارع والمصدر من الأفعال التي تليها. Donc il dit, médite sur les deux exemples du verbe af'ala, et ensuite donne le présent ainsi que le masdar des verbes qui suivent. Awalan arsala, qui veut dire envoyer. Adam Mardi. Al-Mudari yursilu, à la wazn yufailu. Al-Mazdar irsal, à la wazn if'al. Kazalik aslama, à la wazn af'ala. Aslama qui veut dire se soumettre ou rentrer en islam. Al-Mudari yuslimu, à la wazn yufailu. Al-Mazdar islam, à la wazn if'al. Donc tu vois que le masdar de ce verbe, à la wazn af'ala, son masdar c'est à la wazn if'al. Taïb, aghlaqa, qui veut dire fermé. Mudari'a, qui veut dire yughliqu. Ighlaq. Ighlaq. Voilà. Là, مضارع يغلق ايوا المصدر يغلق نعم هو سي نفس سي سي بور فير اون بورت مي سي با غلق علق سي كعين نو غلق هيك شي ميم نفس معنى مي يفهم مضارع سي بي باراي او لا هنا سي يغلق لو سي يغلق ايوا اخبر رفومي يخبر مصدر اخبار نعم اطفأ qui veut dire éteindre. Yutfi'u, itfa. Nam. Ajaba, qui veut dire répondre. Al-Mudari, écoute, yujibu. Wal-Mazdar, ijaba. Asluhu, ijwab. Certains, tu as vu, font exception à la règle. Ils sont rares. Pour des raisons. Comme celui-là, par exemple. À la base, c'est ijwab. Taïeb. Akama. Yukimu, ikama. Nam. Celui qui a ajouf, comme Ajaba ou Akama, à la fin il prend un thème abouta. Vous voyez, ce lettre là que tu vois qui ajouf, le alif ici, qui devient un ya dans le mudalir, il se transforme en thème abouta à la fin. À la base c'est quoi? Iqiyam. À la base c'est Iqiyam, le mazda. Mais on va dire quoi? On va dire Iqama. Et le yala de Iqiyyan, il se transforme en thème abouta comme à la fin. Atamma. Itmam. Là, on fait ça qui est le drame, on ne fait pas entre les deux mimes. On fait Itmam. Adda, qui est déjà préparé. Yuridu. Comme Itmam. Comme Itmam. Yadad. القى شو قلت من القياس القى يلقي القى القى القى ça veut dire ça peut être lancé ou même poser une chose pas forcément jeter comme dans le Coran l'histoire de Moussa alayhi salam quand il a vu Bani Israël il y a un imam al-Ijl devant le veau qu'il a al-Qal al-Wah qu'il a le verbe, les gens souvent traduisent qu'il a jeté les tablettes donc tu prends ça, je ne sais pas, du 10 commandements chez les koufars, c'est rien mais al-Qal, c'est pas forcément dire jeter tu vois, parce que les ulama disent comment des tablettes dans la colère qui continue à parler d'Allah un prophète, il va les balancer comme ça tu vois non. Et quand ils disent wa khaza bin nusratiha qu'il a pris une copie de ces tablettes, on ne sait pas comment. Ou d'un coup, ils ont été cassés après. Mais en tout cas, comme il y a eu ce qu'ils ont jeté, ils sont cassés, ça, il n'y a pas de deuil là-dessus. Parce que Al-Qas, ce n'est pas forcément dire jeté. Ça peut être posé aussi. Istelqa, c'est pas jeté. C'est s'allonger sur le dos. Tu vois, sur le lit. Ça vient du même Asl, l'accord, la qiyam. Est-ce que l'accord, c'est pas tu viens sur le lit, tu te jettes sur le dos. Non, c'est tu te poses sur le dos. Right? Donc ça, c'est pas... C'est naturellement, il faut faire attention pour les gens qui disent « Akol Arwah ». Al-Arwah, Afan Bilem, c'est pas il a jeté les tablettes. Shahed a fait un bilem, c'est pas ça que ça veut dire forcément. À l'accord, ça peut être poser quelque chose aussi. Marna Taraha, Yatroho. Et le Ruba'i, Ben, Al-Thulasi al-Mazid al-Af'ala, il est qu'un akhilu haf'illa, ada haf'illa yuklab hamza, il mazda. كما هنا رأيت إلقاء والأصل إلقائي ما له يا التصميم يعني وحمزة آمن يؤمن نعم يؤمن في على بعض يدو حمزة أصله أأمن يؤمن مصدر إيمان نعم وأصله سي إيمان Mais le deuxième hamza est transformé en ya. Donc tu dis iman. Mais là-bas c'est iman. Aujaba, qui veut rendre une chose obligatoire. Yujibu. Naam. Mazal mektoub, il écrit là. Ijaba. Ijab. Ijab. Ensuite, le ou c'est aujam. Mais le waw est transformé en ya. Pourquoi ce qui est précédé d'une kasra, donc pour la prononciation, pour que ce soit plus facile, le waw a été transformé en ya. Tamam. Yakul ta'amel tariqat sur l'amr min bab af'ala. Il dit, médite sur la façon de faire affaire l'amr de ce verbe-là. Summa dar l'amr min al-af'al atiya. Ensuite, sur, c'est pas dar. Sur l'amr min al-af'al atiya. Ensuite, façonne l'impératif des verbes suivants. Awalen, yursilu, qui vient de arsala, envoyer. Asluhu, yuarsilu. Taïeb, yuarsilu. Khuzifat fi l'hamza, ou minhu. On enlève l'hamza. Fayusar l'amr min al-sira al-asliya. Que le amr, tu le reprends de sa forme d'origine. C'est-à-dire que l'origine reste. Donc tu dis comment? Tursilu. Arsluhu, tu arsilu. Comme on a dit, en fait, nous on a enlevé le Hamza dans le Moudania. Mais dans l'homme, il revient. Tu dis arsil. Tu dis arsil. Le Hamza, il revient dans l'homme. À la wazn, af'il. Le mazdar, à la wazn, af'il. Tu ghliko, qu'est-ce que ça s'appelle l'homme? أغلق نعم تسلمو أسلم تعدو أعد تؤمن آمن نعم آمن تجيبو أجيب نعم طيب أن يكون رابعا sur ismul fa'il de l'afal atiya. Mais ismul fa'il des verbes suivants. Et là, c'est la même règle qu'on a pris hier. Un ismul fa'il est la waz mudali'i, ou un obdil harf mudali'a bi mim mabmouma. Donc, quand tu as le mudali'a, tu trouves l'ismul fa'il à la toune. Elle m'a dit, aslama. Un mudali'a, yuslimo. Ismul fa'il, naam. Elle m'a dit, arsala. Yursilo, ismul fa'il, amana. يؤمن مؤمن أدار يدير مدير نعم أحرم يحرم محرم أمكن يمكن ممكن نعم ممكن بالميم أتم يتم متم أرقى يلقي ملقي نعم شو لا طيب بس عندك بكل مو بكم مدير وصف في دويليا مؤمن في دويليا مخرج في دويليا أدارة هي la direction c'est ça أدارة نعم تديرج une chose والإدارة c'est une direction la direction alors tu dis la إدارة الجامعة ou la direction de l'université طيب خامسا ابن الأفل آتي المجهول ثم سوء اسم المفعول من كل واحد منها. طيب الفعل الرباعي أو الثلاثي المزيد على وزن أفعل sont mauvais de sira, il vient à wazn ouf'ila. Il vient à wazn ouf'ila. La soulassine, le moujarab, c'est fou'ila. Celui-là, c'est ouf'ila. Donc il veut maintenant que tu fasses ça avec les vers suivants. Arlaka yugliko. Ugliqa. Ugliqa dab. Là, à fond, il veut l'ismafoul. À fond, j'étais dans. Dans le même image où, non. Bon, en même temps, tu l'as appris, c'est comme on le fait. Ça vient, il y a des pour ça qui arrive, Inch'Allah. Il m'a foule, si à la place de la kasra qui est avant la fin, il se le fait, il met fatra. Donc, Aralaka yurliku, Mourlak. Araba yurlibu, Mourlak. Akaraha yukrihu, Mokra. Naam. Ajab yodibu, Mourjab. Naam. الحمد لله يعني يكون في حمايه أعد يعد معد أصاب يصيب مصاب نعم كيف يعني être atteint مصاب c'est la chose qui est atteinte نعم مصيب c'est ce qui est atteint c'est celui qui est atteint ثالثا تعمل أمثلة لباب أفعل وعين فيها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم المكان والزمان. Donc là dans les phrases suivantes tu trouves l'isme فاعل l'isme المفعول المصدر واسم المكان والزمان. On a dit qu'isme المكان والزمان يأتيان على وزن اسم المفعول. طيب. أغلق الباب لا ولا تغلق النوافذ. Donc ferme la porte et ne ferme pas les fenêtres. Arlir, Wotoglir, Arlir, Fial Amr, Wotoglir, Fial Mandar. Non, le majum bilan. Thaniyan. Atfi, Al-Anwar, Kabla, Irlaq, Al-Rulfa. Ferme ou éteint les lumières avant de fermer la porte, avant la fermeture. De la chambre en fait. Atfi c'est le amr. Non. Irlaq c'est le masdar. Non, masdar. Yuktabu ismu al-mursal ilayhi wa anwanuhu fi janib al-ayman min tarfi wa ismu al-mursil wa anwanuhu fi janib al-aysar. Donc il dit on écrit le nom du destinataire et son adresse sur le côté droit de l'enveloppe et le nom de l'expéditeur et son adresse sur le côté gauche. Donc Mursal c'est l'isme maf'oul, Mursil c'est l'isme fa'il. Naam. Rabi'an. Akrahani ammi ala tarkid dirasa. Donc mon oncle paternel m'a fait détester le délaissement des études. Akrahani ou ma contrainte. Akrah. Ça peut être aussi une contrainte, se faire contraindre aussi. Moi je voyais son oncle il l'a détesté parce qu'il a des... Non, c'est Akrahani, c'est pas Karihto. On dit Karihto Ami. Parce que mon oncle m'a contraint à délaisser les études en fait. Ou m'a fait détester. Alors, rien ce qu'il veut dire. C'est un mardi. Akrah. Non, non. La yajuz nikah al-mukrah. Non, il n'est pas permis de déposer celui qui est forcé. Al-mukrah. Ou celui qui est forcé. Ism al-maf'ul. Min akraha. Non. Wajadtu al-qalam al-mulqa fi fina'i al-ma'had. J'ai trouvé le stylo posé. Ou bon, on va dire, ça peut être aussi. Pas jeté, vraiment, non. Tu l'as pas vu jeter. T'es quelque part, tu vois. Dans la cour de l'école. Ma'ad, l'institut de l'école. Filet, c'est une cour. Mouraqa, et Ismou Mas'oul. Non. Il fait le Moudari. Mou'arabon. والفعل المعدي والفعل العام مبنيان معرب فعل Le fir mudari et le mu'arab, et le fir madi et le fir amr sont mabni. Ana musabun bi imsakin imsakin imsakin shadid. J'y suis atteint d'une dure constipation. Imsak, c'est le axe de l'ishal. Musabun wa ismu maf'ul. Naam. Wa Imsak Mazdar. Non. Donc le muhrim, le pèlerin qui en fait sacralisation, se revêt d'un izar, c'est-à-dire un vêtement qui recouvre le bas du corps. Et un rida, c'est le haut du corps, ce qui couvre une épaule. Achiran. Ana mu'jabun bi'hadha al-talib al-mujtahid. Mu'jab ismu maf'ul. Naam. Mu'jab, ça peut être ou étonné, ou alors qu'il te plaît, quoi. Qala Allah ta'ala innama ya'muru masajid Allah من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Donc il dit juste de remplir les mosquées d'Allah, de remplir ça veut dire qu'ils y viennent, qu'ils s'y rendent, qu'ils peuvent même y vivre. Qui a cru ou celui qui a cru en Allah et au jour dernier et qui a accompli la salat, qui s'est acquitté de la zakat et qui ne craint personne d'autre sinon Allah. آمن في الماضي. نعم ثاني عشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc il dit, oh notre Seigneur, donne-nous ce bas monde des bonnes choses et ainsi que dans l'au-delà des bonnes choses, et préserve-nous du châtiment du feu. الآن أين الشاهد؟ Elle est là. C'est Atina. Atina. Je viens de Ata Yubti. Ata Yubti. On a que faire le. Faire Am. Nam, Am. Ça y est, Sacha. Ana mina liyaban, walakin uqimu. Je suis du Japon, mais actuellement je réside en Allemagne. Nous demandons à Allah qu'il fasse du paradis notre. Mais comme c'est le lieu où on va se trouver, tu vois. On va résider ou on se tenir debout, non c'est pas... Maqam, c'est le lieu où tu te cherches, ça peut être debout ou quoi, c'est le lieu où tu vas vivre. Muqama, fil makan. Ah Ismu makan. Ismu makan, non. Il va couler ça bien. Istakhrij min ad-darsi afal bab af'ala mushtaqatiha. Donc tu dois sortir les verbes à la main de af'ala et tous les noms qui sont dérivés de lui. طيب ثم يقول ثامنا ينسب اعطى الفعل اعطى مفعولين ايش بريسيز لي فيرب كي فيان على وزن باسكو جا كي هو منصوب لو فيرب اعطى كي فيان دوني مفعولين طيب الى دو مفعول بي سولي لا مثلا تقول أعطيت حامدا كتابا جدني حميد أليم طيب certains verbes quel fiam اللازم il a pas de مفعول مثل الفعل مثلا يأتي إلى وزن فعل يفعل مثل صدقة صدقة يصدق فدي لا دي مثلا صدقة ما فيش مفعول به هذا il y a pas de مفعول به ça c'est un لازم. Tadjafail, ça va venir aussi. Mutaadia. Qui ont besoin d'un mafoulbi. Friends, Takul, Akaltu, Asamaka. Akala, elle a besoin d'un mafoulbi. J'ai mangé du poisson. Et tu as des verbes qui ont plusieurs mafoul. C'est des mutaadia, il n'y a rien d'être mafoulbi. Tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, plusieurs. Dans 4, 3, je crois que c'est le maximum. Mafkur Allah. Donc là, Artof parmi les verbes qui ont quoi? Deux mafoul. Vous voyez? Al-awwal, hamidan, mafoul bi al-awwal. Wa kitaban, mafoul bi al-thani. Yakul. Man a'taka al-kitab, qui t'a donné le livre? Donc, il y a mafoul awwal ou na? Akef. A'taka. Wa kitab, thani. A'tanihi, al-mudir. Là, ils ont fait une erreur en livre. En vrai, ma foule awel et naou, c'est lié à Moutakalim. Atani, ana. Ma foule fani, hi. Eux, ils ont mis ma foule fani en dessous du moudir. Moudir est fa'il. Oui, voilà. Moudir est fa'il, c'est pas le ma foule fani. Ma foule fani, c'est le ha, damir. Ça, c'est une erreur d'imprimation. طيب قلت أعمال المثال ثم أجيب عن الأسئلة الآتية على غراره وعين المفعولين. Donc il dit, médite sur les exemples, ensuite répond aux questions suivantes, à l'exemple, avec l'exemple qui est cité, et définit les deux مفعول. مثلا يقول من أعطاك الكتاب يقول أعطانيه أبي. هنا المفعول الأول اليوم تكلم. وثاني الآن. طيب ثانيا من أعطاك الساعة؟ كي تدني لا مطر؟ أعطانيها مدير. لا مكتوبة بين قوسين. خالية خالي. نعم. سي مون اونكل ماتيرنال كي مي لا دوني. إذا المفعول الأول يا متكلم و ها والثاني نعم. ثالثا من أعطاك هذا القلم؟ كي تدني سو ستيلو؟ أعطاني أمي. أعيد. أعطاني أيوة. أعطتني هي أمي. نعم. أنا في الأول. يوم متكلم والثاني الها. نعم. من أعطاكم الكتاب؟ الكتب. الكتب أفضل. نعم. أعطانيها المدير. أعطاكم. أعطانا. اجلس. أعطاناها المدير. سي لو ديريكتور كي نو دوني. أنا المفعول الأول. النون. نعم. والثاني. والثاني ها. نعم. من أعطاك الدفتر؟ كي تدوني لو كاييه. أعطيتني لا تعرف أنه يجب أن أعطيتني هو أنت تقول أعطيتني تقول أنت أعطيتني أنت أعطيتني أنا لو في الأول اليا متكلم والثاني هو لا ثالثا من أعطاك الكتاب والدفتر كي تدوني لو ليف ولو كاي أعطانيها أعطاني إي سون دو كيف تقول تي بو دي أعطانيها لكن أعطينيهما أعطينيهما زميلي نعم سي مون كاميرات كي تدوني طيب تاسعا تعمل أمثلة الآتية لي ولو كما نقول ولو كي بدي ممسي ولو بمعنى ممسي والله متم نوره ولو كديها الكافرون donc là le شاهد ولو c'est à dire qu'Allah complète sa lumière même si les mécrans طيب déteste cela On n'est pas dans le cas. Yakul. Thanian. La tachtari a dit Seyyarata, walou adzabaka, lounuha, washakluha, fainaha kodima. Donc il dit n'achète pas cette voiture, même si sa couleur te plaît ainsi que son apparence, car elle est vieille. Urdur l'ibtihana walou kunta maridan. Présente-toi à l'examen, même si tu es malade. اشتري هذا المعجم ولو كان غاليا. نعم. كيف تجاي؟ اشتري هذا المعجم même si c'est cher. Ce dictionnaire même si c'est cher. نعم. لن اسكن هذا البيت ولو اعطيتني هي مجانا. Je ne vivrai pas dans cette maison même si tu me la donnes gratuitement. مجانا معنا بلاش كما on dit. بلاش هي. طيب شويه كله لا هذا مستحيل كم في لون التكست يقول هذه اللام هذه لام الابتداء لا هذا مستحيل هي سي لام الابتداء قال لي هذا وتفيد توكيد مضمون الجمله Il est là pour donner une affirmation. Il rentre dans le Muqtada et il donne une affirmation. C'est de la cool. La Anta Abdurrahman. Hein? Tu es vraiment Abdurrahman. C'est pas, attention, il ne faut pas mettre tu dis la Anta, on croit que tu dis la. C'est la Anta. Il n'y a pas de mettre. C'est l'em maftouha. Et ce l'em là, quand tu rentres dans le Muqtada, il est parmi les choses qui permettent que d'avoir Muqtada Nakira. Maintenant. Ah bon, on a dit quoi? Al-As, on a Muqtada Ma'arifa. Par exemple, tu peux dire Rajulun Fidbeit. On a dit quoi? Tu dis Fidbeit Rajulun. Maintenant, si tu mets l'aim, tu peux dire La Rajulun Fidbeit. C'est hein? Un homme mal. Mais... Okay. Tu as bien des exemples dans le Coran derrière. Mais ça n'est cool. Voilà, Ajerul Akhiratu Akbar. Et c'est la récompense de l'au-delà est plus grande. On a un Ashahid, voilà Ajerul. Vous voyez? On a Ajerul, c'est Muqtada. On a Mudaf, l'Akhira Mudaf Ilayi, ou Akbar, c'est un Khabar. Donc là, tu regardes, le Lem là, c'est Lem Al-Ibtida. Thaniyan, voilà Zikrullahi Akbar. Le rappel d'Allah est plus grand. نفسه هنا لا هنا لم الابتداء ثالثا والعذاب الآخرة أكبر et le certes le châtiment de l'au-delà est plus grand رابعا ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم et certes une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice même si elle vous plaisait c'est-à-dire la mushrika si elle te plaît sache que une esclave croyante est meilleure qu'elle Donc regarde là, voilà Amatun. Amala il est Nakira, c'est Muqtada. Ce qui est permis qu'on commence en Muqtada Nakira, c'est ce lem de l'Ibtida. Et qui paraît moins après, voilà Abdun Minun Khayrun Min Mushrikim Walau Ajabakum. Et un serviteur, un esclave, Mu'min, est meilleur qu'un Mushrik, associateur, même si celui-ci vous plaisait. Dans les hadiths, la Radawatun Fisabilillahi wa. Ou raouhatun khayrun min dunya wa ma fiha. C'est-à-dire le fait de passer un matin sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire en jihad, où une pause est meilleure que toute la dunya et tout ce qu'elle contient. Yani, j'ai dit, je suis jihad fi sabilillah, kullu ma fi a'zam min dunya. Donc le jihad ou kullu. Il y a ni l'af ou le jihad, mais tout le monde est en fait de l'Allah. Quand il y a le talab al-ilm, il y a le talab al-ilm, le jihad. Tamam. Hadi Asha, elle fait l'asbaha. Elle a wazna fa'ala. Min akhawat kana. Parmi les soeurs de kana. Et kana ma wa amaluha, tarfa al-ism, ou tasib al-khabar. نحو أصبح حميد وحامد مريضا donc en fait أصبح ما هو معنى اتصاف الخبر fi waqt as-sabah. En fait, que le khabar, il est décrit, ou plutôt il dit ça, il dit ça, fi waqt as-sabah. Que tu décris le nom, yani du asbah ou du kaida, l'action se définit quand? Au matin. Ay adrakou as-subh wa marid. Quand tu dis asbaha hamidun marid, c'est en fait Hamid, ce matin était malade. Il est plus malade. Il peut être malade toujours là avec. Wa fi tanzil wa asbaha fuad ummi Musa farigha. Mais je sais pas là si dans le verset il veut dire le matin ou le fait de devenir. Il a dit que le cœur de la mère de Moussa se vida du fait qu'elle l'ait mis dans le fleuve. Mais je ne sais pas si là c'est, tu vois dans ta sire, si le manas c'est Asbaha ma'ana fi sabah, ou ça. Il y a qu'un wakod yati bimana sara, c'est-à-dire devenir. Asbaha, kod yati bimana sara, qui veut dire devenir. كما في قوله تعالى ولف بين قلوبكم فاصبحتم من نعمته اخوانا. Donc il dit c'est lui qui lia entre vos cœurs et vous devez par sa grâce frères, des frères. C'est pour ça qu'il a asbah fuad ummi Musa farigha. Je sais pas si c'est venu mal à Sarah, faut revoir dans le tafsir, parce que des fois tu peux pas vraiment savoir, et des fois c'est wadih, c'est Sarah yassir. Non. Donc, Asbaha, la salène, Asbaha Hamidun Maridun, Asbaha c'est Fir Mahdi, Narkis, Memne la Fatah, la Mahallahum ni Arab. Hamidun Ismu, Marfour, Baramatu Rafi, Adamma. Wa Maridun, Khaba, Asbaha, Mansoub, Warant Nasbihi, Al Fatha. Alhamdulillah. Il y a qu'un atrin Asbaha al Jumal Atiya. Entre Asbaha dans la phrase suivante. Al-Bardu Shadidun. Le froid est dur. Sec. Asbaha al-Bardu Shadidun. Non, c'est-à-dire ce matin le froid est dur, rude. Ana Marid, je suis malade. Asbahtu Maridan. Non. Ça peut être je suis ce matin malade ou je suis devenu malade. Hum Asdiqa'u. Ils sont amis. Asbahu Asdiqa'an. أصدقاء بالتنوين سمعنا من الصرف وما في مضارع في أصبح يصبح نعم يصبح ثاني عشر أو شكا الفيل أو شكا معنى كروبا être sur le point de se rapprocher أو شكا من أفل مكاربة يدي أفل سبيل أفل مكاربة تتفل إن شاء الله وهي من أخوات كعنا كذلك أو شكا من أخوات كعنا لكن في شروط يوجد ديفيرونس سي كي كنا بريس كوم كعدا تاسكو كعدا كعدا الولد يبكي لانفو افاي بلوري كعدا كعدا فهذا من الأفعال تدخل في كعدا نفس المعنى لا لكن نفس يعني في طريقة الإعراب متكارن يقول ويجب أن يكون خبرها مكونا من أن والفعل أو شكا يبقى الخبر في جملة اسمية مؤول مصدر نحو أو شكا درس أن ينتهي لكو يدي سر البون دي فينيا يجب لكو يدي سر البون دي فينيا. هنا أو شكا في إيش؟ في في الماضي ناقص مبني على فتح لا محل له من يعلم. والدرس اسم أو شكا مرفوع وربط رفعي الضمة وأن حرف مصدر ونصب استقبال مبني على فتح لا محل له من يعلم. وينتهي ينتهي هذا في منصوب بأن وربط نصبه حصف الفتحة الفتحة نعم. طيب يقول ويستعمل منها المضارع أيضا يبينون سو مضارع ستاك الجامل تقول يوشك الطلاب أن يرجعوا إلى بلادهم les élèves sur le point de revenir dans leur pays. Ma bouma au chaka? Non. Qarib min kada. Au chaka c'est sur le point 2 et kada c'est faillir. Qui ne fork? En au chaka, yajib el tajel an. Wa kada, ma yajib. Tu peux dire kada le walad yabki, wa kada le walad an yabki. Les deux sont permis, mais le meilleur c'est pas le mettre avec kada. Voyez, le meilleur c'est pas le mettre avec kada. Salis Hachar Yuriduha li amrin ma ayl murakim wa rakat al ghiyab comme c'est dans le texte qui la veut pour quelque chose ou une raison particulière. Hadihi ma amrin ma tayyib al nakira tamma al mubahama wa tati la'tan lima qablahu. Donc ça s'appelle nakira al tamma al mubahama. Il y a un nous en français, on a traduit par ça dépend de la phrase. Quand tu dis par exemple Azhab il est makanin ma, c'est je vais quelque part en fait. Elle vient pour rendre la chose abstraite. Vous voyez, vague, tu sais pas vraiment c'est quoi. Quand tu dis Azhab il est makanin ma, c'est-à-dire je vais quelque part. Ou tu dis Dia Ahadun ma, quelqu'un, mathalan. Tu veux préciser. Ouais, tu précises pas. C'est quelque chose de mubham. Et on le donne comme yarlok, elle est sifa. Son yarlok, c'est que sifa. Nahou, ça, partout, il est à Riyad, et c'est pas une main. J'étais à Riyad pour une raison quelconque. On va dire. Artani kitaben main. Il m'a donné un livre. Quelconque, tu vois. Je sais pas comment traduire si il y a une meilleure tachama. Raïtou fumekain une main. Je l'ai vu quelque part. Fi makanin ma, et je l'ai vu quelque part. Qara'tu hadha al-khabar fi sahafatin ma. J'ai lu ce khabar dans un journal quelconque, tu vois, sans savoir vraiment c'est lequel. Dans un journal. Donc ce ma là, c'est un ism. Attention. Et comme on l'a dit, ma, il y a plein de sens ma. Il y a plein de ma différents. Celle-là, c'est ma tama, anakira, tama, mubahma. Et elle vient que après ism nakira. Elle vient que après Isma Kira. Tu dis pas Mansalan, Zabtu, l'el Makani ma. Là, tu dis l'el Makani ma. Obligé qu'il soit Nakira. Et lui, son Irab, c'est qu'il va être Nart. Mebni, à la Sukun, Fimahal, par rapport au Manot. Ça dépend de Manot. Son Irab, c'est qu'il est Nart. Très bien, il va finir par une règle de Imla. L'écriture. Yakul Mohamed ibn William. Mohamed, le fils de William. Yakul Tourzefu Hamzatu ibn Izajat Sifatan li Alam. Il y a des choses. Mudafan il est Ism Abihi. Mathalan, ça veut dire qu'en fait, quand Ibn vient et qu'il est nat d'un nom propre et qu'après il est attribué à son père, on n'écrit pas le Hamza. مثلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد ابن عبد الله دونك محمد اسم علم هنا ابن صانع عبد محمد يلا دي فوت ديز بدل الله اعلم الى مضاف الى مضاف اكي نون دي بير عبد الله اي عبد الله aussi pareil عبد هنا الى مضاف اليه دونك ابن الى صفه de lui donc il reprend aussi une kasra. Sifa est min al-tawabi'a. Non. Eh ouais, non. Non. Il est aussi mudaf de Abd, de Abd al-Muttalib, كذلك. ويشترط أن يكون أن تكون الكلمات ثلاثة في صفة واحد. C'est-à-dire que le tout doit être sur la même ligne. إذا جاء بعضها في سطر وبعضها في سطر آخر كتبت كلمة ابن بالهمزة. Donc s'il y a une partie du nom qui est sur une ligne et t'as pas eu le temps de finir, que l'autre partie vient dans la ligne en dessous, là, Ibn, tu vas mettre le Hamza. Le Alif. Hamza, on l'appelle Hamza Tawasl. Oui, Hamza. Par contre, et pareillement, si jamais tu dis Ibn, مثلاً, Ibn Fatima, tu fais l'ensemble à la mère, tu mets le Hamza. Ça, c'est pour le père. Quand il est Moudof au nom du père, il est. On enlève le Hamza. Il faut que ce soit nom propre aussi. Il faut que ce soit nom propre. نحو انظر لك الحسن سنين ابن علي ابن علي سنطلين الذي في quoi il écrit le Hamza. Le Hamza l'a écrit. Pourquoi est-ce que Ibn n'est pas sur la mine que El Hassan? Il écrit en dessous. Bon, Yakul. Voilà tour Zafouf Mifl. Et là, on n'enlève pas. Comme dans Hamidou ibn El-Sheikh Ibrahim. Pourquoi? Parce que Ibn, il n'est pas entre deux noms propres. Il n'est pas entre deux noms propres. Hamid, c'est nom propre. Mais Sheikh, c'est pas nom propre. Sheikh, c'est pas nom propre. Le nom propre, c'est quoi? C'est Ibrahim, là. Il faut qu'il soit entre deux noms propres. Il faut que ce soit deux noms propres masculins. Aussi. Donc, Hamid, Achar, Yakul, Hat, Jamel, Asman, Atiya. Dans une prière des noms suivants. Mushaf. المصاحف فينا فواني في نكور نشاط نشاط انشطة لا يا انشاط ايش كي يقول Nasha'id. Il n'y a que des siyamutah du mois. Des jamal awazm fa'il. Wa janib. Jawanib. Saïd Achara. Hat, maudi, ya'ba, refusé. Aba. Aba, nam. Je veux dire, vous êtes quelque chose. Aba et tout, si je refusais, je ne veux pas. Refusé. Saïd Achara. أدخل كلمات مياتي في جملة مفيدة هذا سيكون لي درس الآية إن شاء الله أعجب أثنى علي أعجب سي بلير أو سي سيكون كيكو شوز سي بدو تعجبت أعجب سي أعجبني سي شوز لما بلي تمارين درس الذي نعم أثنى علي سي فاس ميلوج لكي أثنى تو على فلان ليش فاس ميلوج مصاب معروف اتعتاد مشارق الارض ومغاربها الاوريون اوكسيدون دو لا تير لو فون لو كوشون كو بلوتو اصبح كي veut dire où une chose définie le matin ou devenir ولو même si هنيها un court instant او شكا et sur le point de et aussi une phrase dont il y a ما الاخيرا تاما المباحثه. Aujourd'hui, nous prenons au wazm, Amil Afael, wazm jadid, al-wazm, al-mazid al-thulasi, al-wazm af'ala. Akhazna, kif naf'al ism fa'il, wa ism maf'ul, wa ism zaman wa mekan. Wa abad fawaid muta'adida, kazalik. Fi yiswail? Mafi. Fayyam, wa ilahuna, wa alhamdulillah, bil alamin.